travail, moi ça travail, moi pas gagné. Flatte, flatte, patron, moi pas gagné. Malgré subi, moi ça subi, moi pas gagné. Péripétie, moi ça passé, moi pas gagné. Chaudia, ma sepe Chris, c'est lui la vie. Chaudia, ma sepe Chris, c'est lui. Nous tous assemblés pour prier Jésus, pour nous dire merci. C'est lui seulement qui est capable mourir sur la croix pour tout péché nous jusqu'à bander pardon. C'est le moment que nous vient, les nous tous assemblés pour prier Jésus, pour nous dire merci. C'est lui seulement qui est capable mourir sur la croix pour tout péché nous jusqu'à demander pardon pour nous. Pardon pour nous. Sous la croix, pour tout péché nous, jusqu'à bander.